comme ça, tu n'y peux rien, on ne te demande pas ton avis. Histoire courte en mémoire, photographie d'espoir. Tourne, tourne, tourne le manège. Tourne, tourne le manège de la vie. Y a possibilité de revenir au passé, souffler mais pas jouer. 36 chandelles pour un voyage, en un coup tout est joué. Histoire courte en mémoire, photographie d'espoir. Tourne, tourne, tourne le manège. Tourne, tourne le manège de la vie. Passe, passe, passe, le temps passe, nous efface, quoi qu'on fasse. C'est maintenant ou jamais, demain on ne sait pas. En deux temps, trois mouvements, les petits deviennent grands. C'est maintenant ou jamais, demain on ne sait pas. En deux temps, trois mouvements, les cheveux deviennent blancs. Histoire courte en mémoire, photographie d'espoir. Histoire courte en mémoire, photographie d'espoir. Histoire courte en mémoire, photographie d'espoir. Tourne, tourne, tourne le manège. Tourne, tourne le manège de la vie. Passe, passe, passe, le temps passe, nous efface, quoi qu'on fasse.